bad bitches in my destiny child. Ooh, so my life. J'ai toujours un œil sur ma maille. Sur un bateau comme des dark side. J'en confume de la cage sous ta night. Puis ton bas du Henny sans plaid. Destiny tight. Trois belles bitches, c'est mes destiny tight. Un chèque, deux chèques, ta vie, je m'en mille chèques. Yeah, business, bitch, là, je veux d'un beefsteak. Elle veut juste que je l'emmène dans les backstage. Tout ce qu'elle veut, c'est deux, trois lignes de cocaine. Yeah, new Michael Jackson. Yeah, baby, je suis le new Michael Jackson. Yeah, pull up dans le club, rien qu'on fesse. Yeah, tu sais que j'ai ta meuf sur mon sexe. Yeah. Encore un autre chèque, puis un autre chèque. Encore un nouveau chèque, puis un autre chèque. Nouveau chèque, puis un autre chèque. Encore un autre chèque, baby. Destiny Child. Trois belles bitches, c'est mes Destiny Child. Ouh, sur ma life. J'ai toujours un œil sur ma maille. Sur un bateau comme des dark side. Rien qu'on fume de la cage sous ta night. Puis ton bas du Henny sans plaid. Destiny Child. This is in my destiny child. Boom shakalaka. Fuck ta mama, hey. Je t'en vas faire les courses comme ton papa. Puis on fume ton gros comme du tabac. Viens voir dans mon dos, j'ai le fire, hey. Destiny child. Trois babies, tu sais mes destiny child. Sur ma life. Malika, je saigne et puis je me retrouve dans le sky. Oh my, oh my. Encore une autre schneck, puis une autre schneck. Encore une autre schneck, puis une autre schneck. Encore une autre schneck, puis une autre schneck. Yeah. Destiny Child. Trois belles bitches, c'est mes Destiny Child. Ouh, sur ma life. J'ai toujours un œil sur ma maille. Sur un bateau comme des dark side. Rien qu'on fume de la cage toute la night. Bitch, on bat du Henny sans plaid. Destiny Child. Trois belles bitches, c'est mes Destiny Child. Destiny Child. Trois belles bitches, c'est mes Destiny Child.